Le Lift, une vision du temps selon Chanel, vous présente le questionnaire de Chanel. Aujourd'hui, nous recevons Vincent de Dienne, comédien. Vincent, bonjour. Si vous étiez une ride, laquelle seriez-vous ? Si j'étais une ride, je serais les deux de chaque côté de la bouche qui mettent le sourire entre parenthèses. Avez-vous déjà eu envie de faire peau neuve ? Non, j'ai déjà eu envie de faire peau d'âne, mais c'était pris. Mais peau neuve, oui, bah tous les matins, oui. La dernière fois que vous avez menti sur votre âge ? Dans mon spectacle, je mentais sur mon âge. J'avais une petite coquetterie, je me rajeunissais d'un an. Je me suis dit, je commence maintenant à me rajeunir d'un an. Mais bon, Wikipédia me démentait. Merci Vincent. Le Lift, une vision du temps selon Chanel, vous a présenté le questionnaire de Chanel. La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Il y avait donc John Lennon, le plus flower power, le plus mystique, le plus mal à l'aise, semblait-il, avec le monde. Et puis Paul McCartney, à la personnalité davantage conciliante en apparence, le plus boy scout, diront certains. Il y avait également George Harrison, le cadet du groupe, surnommé le Quiet Beatle. Et enfin, il y avait Ringo, le batteur, qui finirait par se demander s'il était vraiment légitime à récolter toute cette gloire, lui qui n'écrira presque aucune chanson pour le collectif. C'est leur parcours à tous les quatre dont nous a parlé Frédéric Granier hier au cours d'une émission que vous pouvez télécharger. Notre série a été écourtée pour cause de grève, mais demain, dans le troisième et donc dernier de nos épisodes, nous interrogerons la manière dont ce groupe de pop, les Beatles, s'est fait une place au sein de la culture académique grâce à Olivier Julien qui évoquera également le son des Beatles. Et aujourd'hui ? Vous pouvez nous chanter quelque chose, s'il vous plaît ? Non. Est-ce que vous êtes capable de chanter ? Non, on veut d'abord être payé. Combien d'entre vous sont chauves, en fait ? On est tous chauves. Et moi, je suis sourd et muet aussi, tu vois. Est-ce que vous êtes réel ? Venez tâter. Vous allez vous faire couper les cheveux un jour ? Non, non, merci. Je suis allé chez le coiffeur, moi, hier. Hein. Non, mais c'est pas une blague, c'est vrai. L'humour, probablement. Un peu potache des Beatles lors d'une conférence de presse à leur arrivée à New York en 1964. Aujourd'hui, pour entrer davantage dans la discographie de ce groupe, nous sommes en votre compagnie, Jacques Volcouve. Bonjour. Bonjour, merci de votre invitation. Vous ne les trouvez pas potache, vous les aimez de toute façon. Non, puis en plus, ça a beaucoup plu aux Américains parce qu'ils voulaient leur tailler un costard. Puis ils ont été complètement séduits par cet esprit justement d'humour et de répartie dont ils étaient tous les quatre des maîtres. Alors vous êtes un véritable historien des Beatles, hein, vous avez consacré votre vie à cette tâche, ce sacerdoce même pourrait-on dire. Votre fabuleuse collection Beatles Collector apparue en 2012 chez Jacob Duvernay, on peut citer aussi Révolution les Beatles que vous avez publié en 1998 chez Fire. Avec Pierre Merle. D'ailleurs en effet avec Pierre Merle que vous aimeriez bien faire reparaître, augmenter de tout ce qu'on a appris hein, de nouveau sur les Beatles. Donc il vous a rien échappé de ce groupe et de ces 10 années d'existence, parce que ce qui compte, c'est les 10 années où ils sont ensemble. Après, ça n'est plus vraiment les Beatles, c'est autre chose. Ah oui, mais pour moi, les Beatles, c'est comme un diamant. Et quand ils se sont séparés, il suffit de regarder le diamant d'une autre façon. Il y a une autre facette qui s'éclaire, et c'est la facette Ringo ou la facette Lennon. Et il y a une continuité quand même. Ils ont continué à cultiver le son Beatles à leur façon, chacun de leur côté. Et c'est des œuvres qui font, au fond, elles tiennent plutôt la distance. Moi, je suis en train de refaire découvrir ça à quelqu'un qui ne les a jamais entendues. Il est bluffé. C'est un môme de 30 ans. Toutes, y compris celle de Ringo Starr. Ah, mais surtout celle de Ringo. Il est vraiment très, très étonné. Très, très étonné. D'accord. Non, non, c'est pas, on a tendance à le diminuer. Et Ringo, d'ailleurs, je veux tout de suite attaquer des frangeux. De dire que Ringo n'a rien fait ou était complètement minoritaire dans le groupe. Il a eu énormément d'importance. À partir du moment où Ringo est entré dans le groupe, c'est comme les pièces d'un puzzle qui étaient mis en place et la magie a opéré. Mmh. Il avait le même humour qu'eux et sur le plan de la technique en tant que batteur, il suffit d'écouter par exemple Get Back, on dirait que c'est un cheval au galop. Ses trouvailles au niveau des percussions sont nombreuses dans les chansons des Beatles. Donc vous pensez qu'il a été injustement minoré ? Oui, par des gens qui les connaissent pas. Alors c'est difficile de connaître aussi bien que vous les Beatles, vous avez des pièces exceptionnelles. De moins en moins, parce que j'en ai vendu beaucoup. Vous avez été obligé d'en vendre beaucoup, mais vous avez encore des 45 tours très rares, non ? Ah oui, non, j'ai encore, si je veux tout vendre, j'en ai pour des années, d'ailleurs c'est ce que j'ai un travail de fou là-dessus. Voilà, on va commencer à reprendre la carrière des Beatles, on va le faire de manière chronologique et vous allez pouvoir nous parler un petit peu de chacun des albums. Alors ça, c'est le genre de reprise avec lesquelles les Beatles ont commencé leur carrière scénique. Il s'agit d'un extrait des Decca Tapes. Ouais. Je suis sûr que vous avez envie de nous parler de ces Decca Tapes et de nous dire un petit peu le 1er janvier 1962, les Beatles obtiennent une audition chez Decca. Et donc, ils se présentent. Ils sont pas connus du tout. Ils ont publié encore. Ils ont enregistré un album avec Tony Sheridan, mais c'était le groupe d'accompagnement. Donc, on les connaissait pas du tout. C'était chez Polydor. Donc, Tony Sheridan, qui était un chanteur qui est maintenant surtout connu pour avoir été accompagné à un moment par les Beatles. Oui, il l'avait rencontré lors de leur séjour à Hambourg et il était le chanteur du Star Club et du Top Ten. Et donc, ils avaient sympathisé puisque des Anglais en Allemagne, ils sont ensemble, quoi. Donc ils viennent pour cette audition et ils viennent avec un répertoire avec quelques chansons à eux et surtout des reprises. Mais c'est le 1er janvier, ils sont un peu au taquet, ils ont froid. Bref, c'est pas leur meilleure prestation. Et Brian Epstein, quelques semaines après, apprend que Decca ne veut pas les prendre. Bon, c'est vrai que ce jour-là, il y avait un autre groupe qui s'appelait Brian Poole and the Tremolos qui avait fait une audition. Qui se souvient de Brian Poole and the Tremolos à part les spécialistes ? Bah chez Decca, peut-être qu'ils s'en souviennent. Voilà. Et parce qu'ils ont pris pourquoi ils ont pris Brian Poole, parce que c'était un groupe londonien et de faire venir un groupe de Londres, ça leur coûtait de Liverpool, ça leur coûtait trop cher. D'ailleurs, on peut parler un tout petit peu du rapport avec Liverpool et la ville d'origine des Beatles. Est-ce que ça a compté ? Parce qu'ils ne sont pas tellement revenus, ou alors de manière très anecdotique finalement, vers le pays qui les avait vus naître. Alors, les Beatles sont les enfants chéris de Liverpool. Vous l'avez déjà dit un petit peu hier dans l'émission, Liverpool est un port qui a beaucoup souffert de la première partie du 20e siècle. C'était un port qui était très important. Il y a eu énormément de dégâts avec la Seconde Guerre mondiale. Où venaient des marins qui allaient acheter. Voilà, vous terminez ma phrase. Pardonnez-moi alors. Donc les marins venaient avec des disques dans les années 50 des États-Unis et des mômes souvent allaient sur les quais et sympathisaient avec les marins et se retrouvaient avec des disques et c'est ainsi que les gens de Liverpool connaissaient des chansons qui était connu aux États-Unis et pas du reste de l'Angleterre. Voilà. Mais il faut dire aussi que Liverpool est un pays où il y a beaucoup beaucoup de musiciens. C'est une scène musicale qui a toujours été extrêmement vivante. Et les Beatles n'étaient à l'époque qu'un des centaines de groupes qui existaient et donc qui ont fait même le sujet d'un fanzine qui s'appelait le Mersey Beat et qui regroupait l'ensemble de ces artistes, les Searchers, Jerry and the Pacemakers, les Foremost, etc., etc. Alors, est-ce qu'on peut considérer ce qu'on a entendu là, des K-Tapes, c'est déjà les Beatles? Parce que ça ressemble pas beaucoup, ça ressemble à voilà, un groupe de rock'n'roll, quoi. Oui, malgré tout. Alors, il faut quand même signifier que là, c'est Pete Best qui était à la batterie. Pete Best dont j'ai traduit les mémoires et qui aurait pu commettre un suicide après son limogeage des Beatles et qui restait bien les pieds sur terre, même s'il a fait une tentative de suicide en réalité. Mais oui, c'est le son qu'ils avaient à l'époque. Ils reprenaient énormément de chansons, puis tout d'un coup, à chaque fois qu'ils allaient dans un concert, il y avait d'autres groupes avant eux et les mecs jouaient les mêmes morceaux que les Beatles. Ils se sont dit mais ils sont en train de chanter tous nos titres. Donc, ils ont décidé de écrire et de composer leurs propres chansons. Au moins, on leur volerait pas leurs propres chansons. Donc, c'est des enfants du rock. C'est pas du tout des enfants du jazz, même si c'est des enfants de la musique noire américaine. Alors, le père de Paul McCartney aimait beaucoup le jazz, puisqu'il avait même créé un groupe qui s'appelait le Jim McJazz Band. Donc, il y avait quand même cet héritage musical. Il aimait beaucoup aussi toutes les comédies musicales, Paul McCartney. Mais c'est vrai que c'est pas ce qui a le plus marqué les Beatles. Les Beatles, c'est le rock'n'roll, c'est Elvis Presley, c'est Jerry Lee Lewis, c'est Buddy Holly. Donc c'est surtout ça. Mais il y a eu aussi beaucoup l'influence de la Tamla Motown. Alors le premier album, c'est Please Please Me. Tout à fait. On peut dire un mot d'ailleurs sur cet étrange titre, Please Please Me. Ça veut dire quoi? Fais-moi plaisir s'il te plaît. Ouais, absolument. Bah c'était le titre de leur deuxième 45 tours. Et on sait que quand ils ont enregistré ce 45 tours, à la fin, George Martin leur a dit félicitations les amis, vous avez enregistré votre premier numéro 1. Et quelques années plus tard, il y a une compilation qui est sortie, Beatles One, et Please Please Me n'est pas dans l'album. The world is treating me bad, misery. I'm the kind of guy who never used to cry. The world is treating me bad. Ça, c'est Misery. Donc, justement, sur cet album, Please Please Me, vous auriez préféré qu'on entende Please Please Me parce que vous l'avez préféré. On en parlait, mais oui, c'est bien de sortir des sentiers battus. Elle est bien celle-ci aussi, quand même. Elle est sympa, oui. Ce qu'il y a d'intéressant sur l'histoire de l'album Please Please Me, c'est que lorsque les Beatles ont rencontré George Martin, leur producteur musical, il n'était pas du tout convaincu de leur talent d'écrivain, d'auteur, compositeur. Et donc il a essayé de leur trouver des chansons. Et puis le jour où il a fallu quand même envisager de faire un album, il s'est dit le mieux au fond c'est que il me fasse ce qu'ils font sur scène. Ils avaient envisagé d'aller les enregistrer au Cavern Club de Liverpool. Mm-hmm. Et ça l'a pas collé. Et donc il leur a dit vous avez la journée pour enregistrer tout l'album. Et ils ont terminé l'enregistrement par Twist and Shout. Ils ont fait deux prises. Au bout de la deuxième prise, Lennon était à faune. Mais tout était en boîte en une journée. C'est assez incroyable. Vous pensez que ça a joué dans l'énergie qu'il y a dans cet album? Ah oui, ils savaient qu'il fallait tout mettre. Puis là, ils avaient eu un peu le temps de se familiariser avec les studios d'EMI, qu'on a appelé bien plus tard les studios d'Abbey Road. Ouais. Donc, et puis aussi, ce qui est formidable, c'est que George Martin a été intelligent. Il n'aura pas imposé tout de suite sa façon d'être, sa façon de voir, sa façon de travailler. Il a été tout de suite... Alors écoute, il ne les a pas écrasés comme d'autres producteurs ont pu faire avec d'autres artistes à cette époque-là. Donc ils arrivent avec des chansons qu'ils ont composées eux-mêmes. Pour certaines, c'est des chansons qui ont été composées il y a quelque temps. Je crois que Please Please Me, justement, a été écrite alors que John Lennon était adolescent, en fait. Oui, oui, ils ont toujours fait ça et gardé dans leur tiroir des chansons. Il y a très peu de chansons qui sont restées complètement inédites. Ils finissaient obligatoirement à un moment ou à un autre pour les enregistrer. Et c'était déjà le cas. D'ailleurs, ils aimaient bien aller regarder quand on leur demandait, avec cette Canins Infernale, d'écrire de nouveaux albums. Ils allaient voir un peu dans le passé ce qu'ils avaient laissé un petit peu de côté. Ah oui, mais ils étaient capables de composer une chanson comme ça dans le bus entre deux concerts. C'était le cas, par exemple, de From Me to You. Y a ces interviews où McCartney ou Lennon disaient bah voilà, on recevait un coup de téléphone de Brian Epstein en disant eh bien voilà, dans la semaine du 10 au 17 février, nous ne ferons pas de concert, vous allez nous composer les chansons du nouvel album. Et il disait génial, ce qui est totalement l'opposé de ce qu'on entendrait aujourd'hui de la plupart des artistes. Mais est-ce que ça sera comme ça tout le temps, ou est-ce que ça caractérise les premiers albums des Beatles avec cette espèce de juvénilité qui fait que bon, on y va quoi, on écrit, on déborde d'idées, et puis il n'y a pas de filtre? Non, il n'y a pas de filtre, mais c'est continuel. C'est-à-dire, encore une fois, vous connaissez bien l'histoire de Yesterday, où Paul McCartney, c'est chez sa petite amie, Jane Asher, et il rêve de la chanson. Alors, tout d'un coup, il se lève, tout de suite, il essaye de la garder. Il n'y a pas de magnéto à l'époque, donc... et puis, il a embêté pas mal de gens avant de l'enregistrer. Mais dès qu'ils avaient une idée, ils le mettaient sur le papier, où ils allaient voir George Martin. Et alors, c'était très, très vite. Ça a été John tout seul de son côté, Paul tout seul de son côté aussi. Puis quand ils se retrouvent en studio, ils finalisaient la chanson. Donc, il y a une forme de génie du songwriting chez ces quatre jeunes gens. Absolument, absolument. Mmh. Faut quand même dire que c'est assez incroyable. Puis il y a aussi un génie du style. The point was, even when we left Liverpool, we found it hard to get work. Que nous avons quitté Liverpool, nous étions des petits mecs. Looking the way we did, this was even before we had Epstein. Ceci avant de connaître bien sûr Epstein, notre futur impresario. We'd go down looking like we did, and the dance hall people didn't like us. The promoters, you know. Disons les promoteurs de musical ne nous aimaient pas beaucoup. And then with Epstein, he said, "Look, if you really want." Alors Epstein nous a dit, nous a pris en main, nous a dit, si vous voulez devenir compté parmi les grands, il faut arrêter des tas de choses, par exemple de manger du poulet sur la scène. Oh, it was a choice of making it or still eating chicken on stage, you know. C'est un choix. Choisissez. Forget it. It had nothing to do with the music. And also personally, I was at art school, you know, so I was always torn between. Personnellement, j'ai une position assez difficile. Je vais être toujours à la fois, d'une part, un rocker, un peu voyou, disons, et à d'autres moments, je vais être un artiste, un poète. And the combination of that and visiting Hamburg and via Hamburg actually being influenced by Paris. I'd been to Paris in 61. Ceci date, disons, de 61, Hambourg, Paris, nos premiers voyages, et la fameuse mode, le style Beatles. Alors ça, c'est assez drôle tout de même. The Beatles wig. Yeah, we were trying to, you know, that French haircut where they don't have it parted at the side, but they have it parted high. Écoutez, il faut dire aujourd'hui la vérité sur toute cette mode des Beatles, tant pour l'habillement que pour les cheveux, etc. En fait, nous avons subi tout cela. Nous n'avons jamais rien inventé. Et nous avons trouvé à Paris notamment des tas de choses, par exemple les pantalons évasés, les jaquettes, etc. Tout ça. Mais nous l'avons vu dans des boutiques, ça. Et nous avons aimé cela. On s'est dit, tiens, on va se faire des vêtements comme ça. Et c'est devenu les vêtements Beatles. She's John Lennon interrogé par Jean-François Vallée en 1974. Qu'est-ce que vous retenez, Jacques Volkoff, de cet extrait d'entretien qu'on vient d'entendre ? Comme d'habitude, Lennon était un formidable conteur, toujours attachant. Et les anecdotes, parfois, étaient bizarres parce que, souvenant d'une des interviews, il disait « On a arrêté nos tournées en 65 alors qu'ils avaient continué jusqu'en 66 ». Mais il a toujours la bonne anecdote. Bon, ce qu'il vient de dire à propos des costumes, bien sûr, il s'était inspiré de tout ça. Il regardait à droite et à gauche. Puis il y avait des gens autour d'eux qui leur donnaient des bonnes idées. Et vous avez parlé du côté caméléon de Lennon. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là ? C'est quelqu'un qui était comme une éponge. Quand il était à côté d'un truc qui l'intéressait, il y allait à fond la caisse. Et c'est pour ça qu'on a eu toutes ces différences d'apparence physique. Et puis, il n'hésitait pas à changer complètement de style au niveau de la musique, comme l'a fait d'ailleurs Paul McCartney. Donc le côté caméléon, là, est à mon avis un plus plutôt qu'une un défaut. Ouais. Mais il y a un petit côté auto-dénigrement aussi dans cet entretien qu'on entend quand il dit finalement, les coiffures, c'était pas nous, le style, c'était pas nous non plus, c'était les Français, tiens, allez. Alors, oui, mais alors ça, c'est typique Lennon, c'est-à-dire que dès la séparation des Beatles, tout ce qu'a fait les Beatles n'a absolument aucune importance pour lui, ils ont tout raté. J'ai retravaillé récemment pour le 50e anniversaire d'Abbey Road et on a retrouvé une interview de John en train de promouvoir Abbey Road et Come Together, ouais, c'est une chanson funky, la chanson suivante, ouais, c'est une belle balade. Il a toujours été comme ça. Alors, quel va être le destin du deuxième album des Beatles qui sort le 22 novembre 1963 et qui s'appelle With the Beatles? C'est toujours difficile, on imagine un deuxième album, bon pour eux, bon, pas trop. D'abord, 22 novembre 1963, c'est le jour de l'assassinat de John Kennedy. Donc c'est très important parce que pour les Américains, quand ils ont découvert les Beatles, c'était tout d'un coup retrouver la jeunesse, la joie qu'ils avaient un peu perdu quelques mois auparavant. Et With the Beatles, ils prennent un peu plus de temps pour l'enregistrer et au niveau technique, tout de suite, on sent qu'il y a une amélioration véritable. Le son est plus chaud, plus rond. Et comme ils sont à l'aise, ils y vont à fond la caisse. Et ce qu'il y a de merveilleux à cette époque-là, c'est que Please Please Me est numéro 1 pendant des semaines et des semaines. Et quand arrive With the Beatles, Please Please Me devient numéro 2 et numéro 1, c'est With the Beatles. Ils se succèdent au sommet des charts. Donc il y a 14 nouveaux titres et 7 d'entre eux sont signés Lennon McCartney, un seul George Harrison. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette double signature Lennon-McCartney, qu'est-ce qu'elle recouvre en réalité ? Alors au départ, comme je viens de le dire un peu, ils travaillaient quand même ensemble. Et puis très très vite, quand ils avaient l'inspiration, ils n'attendaient pas que l'autre soit là pour terminer la chanson. En revanche, ils donnaient toujours à écouter l'un et l'autre ce qu'ils faisaient. Et Paul disait qu'à chaque fois qu'il allait chez John... ou John quand il allait chez Paul, il ne sortait jamais d'une séance de répétition blanc. Il y avait toujours une, deux ou trois chansons qui avaient été composées. Mmh. Ils avaient aussi quelque chose de très simple, c'est que comme ils ne connaissaient pas le solfège, ils disaient que si la mélodie qu'ils avaient imaginée, ils l'oubliaient, c'est que c'était pas une bonne chanson. Mmh. Si eux l'avaient oubliée... immanquablement, ça n'aurait pas frappé l'imaginaire. Mais très très vite, ce qu'on appelle les chansons Lennon-McCartney, celles qui sont chantées par John sont de John, celles qui sont chantées par Paul sont de Paul. On peut dire que et l'un et l'autre travaillaient dans des styles qui pouvaient être celui de l'autre. On a souvent dit que John était le rocker, mais McCartney a par exemple signé I'm Down, qui est un sacré rock. Et à contrario, John a composé Goodnight, qui est une mélodie suave et sucrée pour Ringo Starr en 1968. Mais est-ce que vous pouvez essayer de définir quand même le style de l'un et de l'autre, ou est-ce que c'est difficile ? Alors, a priori, McCartney est plus doué pour les mélodies, Lennon est plus spontané, plus rock'n'roll, et les deux donnent ces chansons qui frappent l'inconscient populaire et qui marchent toujours aujourd'hui. Et George Harrison ? Alors George Harrison, George Harrison, c'est une sacrée histoire parce que Paul et John ont commencé à composer, comme vous avez dit tout à l'heure, ils avaient 14-15 ans, et George arrive dans un groupe où il y a deux locomotives et premier album, il fait rien, et il y a l'un de ses amis journalistes qui est Bill Harry qui lui dit alors quand est-ce que tu composes, et comme il arrêtait pas de l'embêter, tout d'un coup il a dit don't bother me, laisse-moi tranquille, et ça a été l'idée de sa première chanson. Et ensuite, très très vite, il a fallu qu'il saillisse au niveau des autres. Il a son style aussi. Ah, il a un style qui est entre les deux, entre le des mélodies très très accrocheuses, d'abord très inspirées de Carl Perkins, mais il est dans le son Beatles aussi. Hein. C'est pas des choses très très très éloignées de John et Paul non plus. Alors il y a quand même quelque chose d'assez démocratique finalement dans ce groupe. Je sais pas si ça arrive très souvent que quand même on signe en commun des chansons qui parfois ont été écrites quand même à 90 ou 95% par l'un d'entre eux. Est-ce que c'était théorisé un petit peu? Est-ce que c'était pour faire que l'atmosphère soit la meilleure possible? C'était naturel. Ils étaient pas dans un jeu d'ego. On met trop ça en avant aujourd'hui. Si ça avait été ça, les Beatles n'auraient pas duré 3 mois. Ils s'adoraient comme 4 frères. Alors Ringo le jusqu'à disait souvent. Jusqu'au bout. On va avoir dans quelques mois la ressortie de Let It Be. On va refaire le remontage. D'ailleurs, j'ai réécouté l'intégralité des séances de Let It Be. Donc c'est le dernier. C'est le dernier sorti. Enfin, le dernier sorti. Mais en fait, on les entend tout le temps blaguer, se mettre en boîte, etc. Alors bien sûr, il y a de temps en temps des engueulades, mais vous avez des engueulades dans votre propre équipe. Jamais. Nous sommes tous frères et sœurs. Voilà. Et en réalité. Ce qui est intéressant, c'est de voir que ils se donnaient des coups de main. On parle de George, par exemple, pour revenir sur la question que vous me posiez à l'instant. George se souvient qu'il était allé voir John. Et John lui avait dit « Ah ouais, tu devrais faire ça ». Puis tout d'un coup, il s'est rendu compte que l'idée qu'il avait donnée à John, enfin qu'il lui avait montré, John l'a piqué pour l'une de ses chansons. Et il dit « Maintenant, je compose tout seul ». I give her all my love, that's all I do. And if you saw my love, you'd love her too. I love her. And I love her, extrait du 3e album des Beatles, A Hard Day's Night. C'est un album ou c'est un film, A Hard Day's Night, Jacques Volcouve? C'est surtout un film au départ, mais on leur a demandé de composer des chansons. Et là aussi, A Hard Day's Night, ils ne savaient pas du tout, ça devait s'appeler Beatlemania. Et ils sont en train de filmer, puis ils sortent du studio et Ringo fait « It's been a hard day ». Puis tout d'un coup, il s'aperçoit que c'est le soir, il fait « A Hard Day's Night ». Et donc, Lennon a dit « Ah, très bonne idée, je vais en faire une chanson ». Et ça a été systématiquement comme ça. Soit ils trouvaient une idée dans une coupure de presse, soit dans une émission de télévision ou un truc à la radio. Il y a un côté absurde, en fait. L'amour de l'absurde, d'ailleurs, John Lennon écrit des livres de nonsense. Bien sûr, le non-sens, ça c'est typique des gens de Liverpool. Ils ont cet esprit très comique, très pointu, très mis en boîte. Et puis quand vous n'êtes pas de Liverpool, vous passez complètement à côté. Hein. Je peux vous l'assurer. Le Scouse, c'est quelque chose. Hein. Mm. C'est, vous n'avez pas payé votre abonnement, vous n'avez plus votre décodeur qui fonctionne. Hein. Mm. C'est clair. Alors, le film, justement, alors, est-ce qu'on est là dans quelque chose qui relève vraiment de la promotion, ou est-ce que, comme on l'a dit beaucoup, on a l'invention d'une manière de filmer dans A Hard Day's Night? Racontez-nous un petit peu tout ça. Alors, au départ, Brian Epstein avait pensé, puisque son modèle c'était Elvis Presley, il disait à chaque fois « mes garçons seront plus populaires qu'Elvis Presley, plus importants qu'Elvis Presley », donc Elvis avait tourné des films, il fallait que les Beatles fassent des films aussi. Mais les Beatles ne voulaient surtout pas faire des films où tout d'un coup, sans aucune raison valable, tout d'un coup, les instruments sortaient et on chantait une chanson, ils voulaient qu'elle soit quand même plus précis. Donc il y a un producteur qui est venu, un écrivain, Alan Owen, qui les a suivis lors des tournées en Angleterre et un peu aux États-Unis. Et il a donc mis au point les quatre personnages qui sont devenus les personnages du film et qui en même temps étaient le reflet de la réalité. Les artistes associés n'étaient absolument pas convaincus que les Beatles seraient encore célèbres en 65. Donc ils n'ont pas mis beaucoup d'argent. C'est pour ça que le film est en noir et blanc. Et Richard Lester a fait ça un peu comme... Donc le réalisateur du film, il a travaillé un peu comme un cinéma vérité, un peu comme la Nouvelle Vague. Et ça a été un tel succès que le film est considéré comme le Citizen Kane des films de rock'n'roll. Et d'ailleurs, l'ancêtre aussi des clips, des vidéoclips. Oui, absolument, même si par la suite, Richard Lester n'a jamais fait de clip avec les Beatles, sauf ceux qui sont dans ses films, effectivement. Et le succès a été foudroyant parce que les Beatles, on les a comparés aux Marx Brothers. Mm-hmm. Je parlais de leur humour tout à l'heure, il est bien présent là. Mm. Alors ces films, parce qu'il y en aura plusieurs, est-ce que ils auront un réel impact sur la carrière des Beatles et musicalement parlant, artistiquement parlant, à quel point sont-ils selon vous intéressants ou est-ce qu'ils sont quand même un petit peu connexes? Pour Hard Day's Night, c'est quand même énorme, c'est-à-dire que toutes les chansons sont signées Lennon-McCartney. Il n'y en a pas une seule qui soit une reprise. Et c'est vraiment le tremplin là. À partir de là, ils ne cesseront pas de se renouveler, de s'améliorer et d'apporter du matériel à George Martin qui l'étonnait à chaque fois. Mm-hmm. Le film, c'est 24 heures de la tournée d'une tournée des Beatles qui était pas totalement exagérée. Hein. C'était les chambres d'hôtel, le lieu de répétition pour un concert. Bon, c'était un tout petit peu exagéré quand même dans le train. Quand ils ont cette espèce de conversation avec celui qui devient un peu leur grand-père, on est quand même là aussi un peu dans le nonsensique. Hein. Oui, mais en même temps, quelques semaines auparavant, ils sont allés à Washington en le 11 février 1964. Comme le temps ne leur permettait pas de prendre l'avion entre New York et Washington, ils ont fait le voyage en train. Et je peux vous assurer que ce reportage qui avait été fait par les Mrs. Brothers, qui ont réalisé quelques années plus tard le Gimme Shelter des Rolling Stones, on est déjà dans Hard Day's Night. Et c'est un reportage. Alors on va revenir sur la question des titres en rappelant justement l'anecdote que vous venez de donner, mais en la complétant, il faut écouter Paul McCartney et John Lennon parler donc de l'importance des titres. On cherchait un titre. Pour nous, un bon titre, c'était crucial. Pour Hard Day's Night, c'était Ringo qui s'était gouré en parlant. Il mélange ses mots sans le faire exprès. Et ça fait des expressions plus originales que les phrases de départ. Alors on a pensé à Tomorrow Never Knows, qui était aussi une trouvaille à lui. On a fini par en faire un titre de chanson. Puis bon, je nous revois tous assis en train de nous creuser la tête. Je crois que John est rentré chez lui. Et avec Dick Lester, on a trouvé l'idée Help. Non, alors que John est rentré chez lui, il l'a écrit ce soir-là. Attendez, non, je me trompe. Non, je crois que c'est John qui a eu l'idée du titre Help. D'après ce qu'il a dit plus tard, ça correspondait à son moral. Il se sentait un peu coincé par la vie que nous menions. J'ai toujours eu des moments de déprime épisodique. Avec les Beatles, ça se remarquait moins parce que notre image me soutenait. Mais dans Help, j'étais en pleine déprime, mais ça se voit pas. D'ailleurs, je chante Help, mais on est protégé par l'image de la puissance des Beatles. Help! 1, 2, 3, 4. Help! I need somebody. Help! Not just anybody. Help! You know I need someone. Help! When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, I'm not so self-assured. Paul McCartney et ensuite John Lennon parlant de l'importance du titre de leurs albums, extrait d'anthologie lu par Michael Cohen. Help, c'est le cinquième de leurs albums, Jacques Volcou. C'est 1965. Qui devait s'appeler au départ « Eight Arms to Hold You ». Oui, c'était un peu compliqué de trouver une chanson avec et un titre pareil. La première édition américaine du single de Help, il y a écrit « From the film Eight Arms to Hold You ». Mm-hmm. C'est une pièce rare aujourd'hui. Je voulais dire un truc très important à propos des Beatles, c'est que dès le départ, c'est des garçons qui se sont montrés curieux de tout. Et comme les studios d'EMI étaient des studios qui étaient fréquentés par tout un tas de types de musiciens, surtout des musiciens de musique classique d'ailleurs, pour le grand studio numéro 1, mais qui avaient parfois des instruments qui traînaient. C'est quoi ça? Bah, c'est telle musique, tel instrument, on peut l'essayer, et hop, ça se retrouvait sur un des disques des Beatles. Il y avait parfois des sons un peu bizarres, un peu nouveaux. On entendra Paul McCartney et George Harrison nous parler justement de comment ils ont découvert la sitar dans le une archive. Le sitar, pardonnez-moi, dans une archive un peu plus loin dans l'émission. Alors, dans cet album, il y a Help, la chanson très connue. Il y a Yesterday aussi. Yesterday. Alors, Yesterday, c'est une histoire qui traîne pendant presque 3 ans. Comme j'ai dit tout à l'heure, il l'a rêvé. Il était chez Jane Asher et il a pas cessé de demander autour de lui est-ce que vous avez pas entendu déjà cette chanson. Il était absolument certain qu'elle existait. Et pendant qu'ils étaient en train de répéter, de travailler pour leur prochain album, alors qu'ils étaient en janvier 1964 à Paris, Paul dans les suites du George V qui était là en train de faire Yesterday et ils en pouvaient plus. Et puis arrive 65, ils étaient sur le tournage de Help et Richard Lester a dit maintenant tu vas l'enregistrer. Oui. Donc il est allé voir. Il l'a composé à 21 ans. On a tendance à oublier ça quand même. Oui oui. Il a proposé de le faire avec George Martin. George Martin lui a dit mais il y a déjà une chanson qui s'appelle comme ça. Ah bon, elle s'appelle comment? Yesterday's avec un S. Ah ben non moi c'est Yesterday sans S. Et là il lui propose. D'abord ils ont essayé de jouer les quatre. Et John, George et Ringo, on voit pas ce qu'on peut faire avec ça, quoi. Et c'est là où George Martin lui a proposé de faire une version avec un quatuor à cordes. Et Paul a dit tout de suite, mais je veux pas que ce soit du sucre, etc. Et George Martin lui dit, écoute, on fait une ou deux prises, si ça te plaît pas, on efface. Ils font une première prise. Et là, Paul McCartney, il dit, attends, c'est quoi, là, ce son, là, que j'entends, ça vibre un peu, et la façon dont ils mettent leur, George Martin lui dit, mais c'est le vibrato. Et là, McCartney, il dit, j'en veux pas. Et ils font une deuxième prise, et ce sera la prise qu'on connaît. Alors, ça pose la question de la part du producteur et du compositeur dans les chansons des Beatles. Comment vous l'évaluez, vous, ce qui revient à l'un et à l'autre? Alors, George Martin est venu faire une masterclass à la Sorbonne il y a quelques années. Et il disait qu'au départ, c'était le maître d'école, et les Beatles l'écoutaient. Et puis, très très vite, leurs rapports se sont équilibrés. Et ensuite, c'est lui qui était l'élève. Et il était à leur disposition pour traduire les idées qu'ils avaient. Mais comme je l'ai dit au départ, il n'a jamais imposé aux Beatles de faire telle chose ou telle autre. Et il leur a toujours fait confiance. Un mot sur Help, pas la chanson, mais ce que ça signifie. Lennon le disait en archive, 1965, c'est aussi une année difficile pour Lennon. Non, c'est l'année où il fume beaucoup de hashish, et Lennon prend du poids. Il subit un peu plus que les autres le poids de cet incroyable phénomène qu'était la Beatlemania. Et effectivement, il écrit Help, mais au départ, il pense pas que c'est un cri de détresse. Et en fait, c'est véritablement ça. It was just around that period. C'était l'époque à laquelle nous commencions à écouter des tas de musiques différentes. George était branché musique indienne. On écoutait tous du classique et des musiques autres que la nôtre, enfin autres que le rock. Et George s'est intéressé à la musique indienne. En fait, pendant le tournage de Help, il y avait des musiciens indiens dans une scène de restaurant et je me suis amusé un peu avec leur sitar. Cette année-là, vers la fin de l'année, j'ai entendu 3 fois le nom de Ravi Shankar. Et en fait, la troisième fois, c'était un de mes potes qui m'a dit Tu connais Ravi Shankar ? Alors, je me suis acheté un disque de lui et ça a été une révélation. Je trouvais tout naturel d'écouter cette musique. C'est à cette époque que je me suis acheté une sitar. J'ai acheté une sitar pas chère chez India Craft à Londres. Elle traînait là, je ne savais pas vraiment quoi en faire. Et quand on a travaillé sur Norwegian Wood, je me dis qu'il manquait quelque chose. Et spontanément, si je me souviens bien, j'ai pris la sitar, j'ai trouvé les notes et j'ai joué. On l'a enregistré, ajouté, et c'était juste ce qu'il fallait. I once had a girl, or should I say, she once had me. She showed me her room, isn't it good, Norwegian wood. Paul McCartney et George Harrison dans cette interview extraite toujours du DVD Anthology des Beatles avec toujours une traduction de Michael Cohen. Et on dit le sitar, dit Jacques Volcou. Oui, parce que la sitar, c'est l'ancêtre de la guitare, oui, qu'on utilisait beaucoup au Moyen-Âge. Et le sitar, c'est cet instrument très grand. Mais vous avez raison. Les Indiens vous utilisent. Avez raison. Alors c'est Rubber Soul, dont on entend d'ailleurs un extrait derrière nous. C'est un tournant complet, un changement de style. Vraiment, là ils entament, ils sont presque au sommet déjà. D'ailleurs, beaucoup de gens, quand ils ont à choisir l'un des meilleurs albums des Beatles, Rubber Soul, Revolver viennent souvent. Et dans l'anthologie, George Harrison dit que Rubber Soul et Revolver, ça aurait pu être l'album numéro 1 et l'album numéro 2. Ces deux albums qui se suivent avec la volonté d'améliorer. C'est quasiment, en effet, on les considère comme un ensemble. Oui, parce qu'ils ont enregistré ça avec le même esprit de passer plus de temps en studio, de travailler davantage ce que la technique leur offrait, de peaufiner davantage leur composition. Et puis, ils continuent à accoucher de mélodies absolument incroyables et qui s'inscrivent dans cet inconscient populaire. Et moi, je vais tout de suite le dire maintenant parce que c'est très important. Les Beatles ont un secret. Ils ont maîtrisé 4 paramètres qui font qu'aujourd'hui, la musique des Beatles est pérenne et n'est pas touchée par le saut des années 60. C'est une musique éternelle. Il y a d'une part le temps réel et le temps imaginaire. Le temps réel, c'est 60 minutes. Le temps imaginaire, vous détestez les mathématiques, vous assistez à un cours de maths, vous avez l'impression qu'il dure 3 heures. C'est Bergson. Voilà. Ils sont bergsoniens, alors. Voilà. Ensuite, il y a la réussite et le succès. On peut avoir une réussite sans succès et inversement. Les Beatles ont maîtrisé ces 4 éléments. Étant entendu qu'au départ, chacune de leurs chansons était de très bonne qualité, eh ben, ça donne cette incroyable œuvre qui fait que quand on écoute Abbey Road, on a l'impression qu'il est enregistré hier. La chanson la plus importante de Rubber Soul, qui veut d'ailleurs dire l'âme de caoutchouc, encore un drôle de titre. Ah oui, alors ça c'est parce que ils cherchaient tout un tas de choses, et puis Rubber Soul, ça peut être les semelles en caoutchouc, ça peut être le soul de la Tamla Motown, la musique soul que les Beatles adoraient. Donc c'est tout, ils essayaient toujours de chercher des trucs à plusieurs niveaux de signification. Et donc la chanson qui vous semble la plus importante de l'album? Il y a ça, c'est des questions girl, que vous aimez pas. Il y a In My Life, c'est très très dur. Michel, c'est très important. Drive My Car, c'est. Ouais, elles sont toutes bien. Voilà. Alors, du coup, on a déjà un peu parlé de Revolver, l'album qui suit. La fabrication de cet album qui va durer du 6 avril au 21 juin 1966, c'est les séances d'enregistrement aussi qui vont être les plus longues, je crois, jamais faites par les Beatles. Bah oui, à chaque fois, ils passe plus de temps. Et je voudrais aussi redire quelque chose qui a été dit hier, qui est très important. Les Beatles, c'était 2 albums par an, et plusieurs singles, et un EP. Parce qu'il y avait trois marchés. Il y avait le marché des gens qui pouvaient s'acheter un album, le marché des gens qui pouvaient pas s'acheter plus qu'un 45 tours, et le marché des gens qui pouvaient s'acheter un super 45 tours à 4 titres. Et chaque marché bénéficiait de chansons qui ne se retrouvaient pas dans les albums. Mm-hmm. Ça, c'est très important. Et effectivement, avec Revolver, on est proche du sommet de ce qu'ils ont fait. Et encore une fois, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui considèrent que Revolver est leur meilleur album. Ouais. Alors dedans, il y a Here, There and Everywhere, il y a Eleanor Rigby, il y a For No One aussi. Oui, Eleanor Rigby, alors c'est amusant parce que pour Eleanor Rigby, George Martin s'est inspiré du compositeur des musiques de films de Alfred Hitchcock, Bernard Herrmann, dans la façon de jouer les cordes. C'est vraiment la scène de Psychose. Oui. Voilà. Et encore une fois, McCartney a accepté de le faire. Et ça fait pas mélodie de prise unique, comme on disait à une époque. Oui. C'est maintenant, on dirait Monoprix. Monoprix, absolument. En fait, il n'y avait pas de concept album Sgt Pepper, juste des chansons qui collaient ensemble. C'était une très belle idée à l'époque, mais maintenant cela ne veut plus rien dire. Quand tu te penches sur les musiques une par une, il reste A Day in the Life. Mais vraiment, le concept musical n'est autre que des chansons qui s'enchaînent. Atteint l'extase, mais vous aussi, hein, Jacques Volcou, j'ai l'impression que vous avez beau les connaître bien, hein, quand même, elles vous font toujours quelque chose. Oui, on passe de Sgt Pepper à Abbey Road, là. Important de dire que, à partir de 1966, les Beatles cessent leur tournée et c'est les années de studio. Mm-hmm. Et effectivement, là, ils donnent tout dans la composition. Et par exemple, Sgt Pepper, on a mis 6 mois pour enregistrer, on n'avait jamais mis autant de temps pour enregistrer un disque, et les journalistes et les bien-pensants disaient « ça y est, les Beatles sont morts, ils ne savent plus composer ». On parlait déjà de séparation à cette époque. Et quand l'album est sorti, ça a fait l'effet d'une bombe incroyable. Mm-hmm. On se souvient de... Je crois que c'est l'un des musiciens des Doors, je crois que c'est Jim Morrison, il me semble, qui tout d'un coup entend la chanson... Il était en voiture et il est obligé de s'arrêter et d'écouter l'album. Et ça l'a fait pour beaucoup, beaucoup de gens. Donc là, vous parlez de Sgt Pepper. Parle de Sgt Pepper. Oui, qui est en effet chronologiquement l'album dont on devrait parler maintenant. Bah, on va le faire d'ailleurs. C'est en réalité Sgt Pepper's Lonely Heart Club Band. Bon, personne ne donne le titre en entier, ou très peu de gens. Ben moi, je sors de vous, évidemment. Enfin, c'est un titre quand même assez imprononçable. Alors, est-ce un concept album ? Est-ce qu'il y a vraiment une rupture avec cet album ? Est-ce que c'est le plus innovant des albums des Beatles ? En fait, oui. À l'époque, c'est l'album le plus innovant à tous les niveaux. Au niveau de la pochette, au niveau, bien sûr, des compositions. Et à partir de ce moment-là, vous avez dit à juste titre hier que Paul McCartney prend le pouvoir à partir de cette époque-là. C'est tout à fait exact, John s'efface un peu. C'est vrai qu'il prenait beaucoup de drogue aussi. Mais donc Paul a tout d'un coup l'idée, il s'est inspiré d'un truc qui était réel, c'est que Elvis Presley a envoyé sa Cadillac à sa place... Donc les gens voyaient passer une Cadillac, ils pensaient que Elvis était dedans. Donc ils se sont dit, on va plus s'appeler les Beatles, on va créer un groupe qui s'appellera Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band. Donc on aura plus le pouvoir, les Beatles. Et puis on enverra le Sgt Pepper à notre place pour faire des tournées. Mmh. Ça a été ça l'idée de départ. Mais bon. Et puis, comme l'a dit John, ils ont commencé à écrire une chanson, puis une deuxième, et puis la troisième n'avait plus rien à voir avec la première. Mais, comme souvent, le hasard fait bien les choses et les chansons s'emboîtent bien l'une dans l'autre. C'est la première fois où il n'y a pas de temps mort entre chacune des chansons. Mm-hmm. Il y a des certains morceaux qui se rapprochent un peu de la musique concrète. Enfin, on va quand même assez loin dans l'expérimentation avec cet album. C'était déjà le cas avec Tomorrow Never Knows. C'est absolument. Donc, on joue sur les bandes magnétiques qui passent à l'envers, sur la vitesse. On se souvient par exemple que pour Strawberry Fields Forever, qui est le 47 tours qui est sorti en février 67, juste avant, pour donner un peu aux fans, qui les faire patienter avant la sortie de Sgt. Pepper. Ils avaient fait plusieurs prises, et puis John, à un moment, était indécis, parce qu'il y avait deux prises qui lui plaisaient, mais qui étaient dans des tempos totalement différents. Allez, il va voir George Martin, écoute, j'aime bien les deux, tu me règles ça, on n'en fait qu'une seule. Et effectivement, il a travaillé sur les vitesses pour pouvoir faire la chanson que nous connaissons. Alors, l'album d'après, il est extrêmement connu, il est très sobrement intitulé The Beatles, mais c'est pas comme ça qu'on le connaît. On le connaît sous le titre. Alors oui, le titre de l'album blanc ou du double album. Je suis d'accord, mais il y a eu un truc entre les deux. Ah. Qui était Magical Mystery Tour. Ah oui. Alors il y a eu cette espèce de voyage en bus. Voilà, Magical Mystery Tour qui est sorti en fin 67, qui a été un téléfilm que les Beatles ont réalisé eux-mêmes pour les fêtes de fin d'année en Angleterre. Et c'est la première fois qu'ils se sont ramassés un bide parce qu'ils n'étaient plus universels, mais ils étaient private jokes locales. C'est-à-dire qu'effectivement à Liverpool, il y a des compagnies de voyages qui organisent ces voyages un peu bizarres où on dit pas aux gens où est-ce qu'on les emmène et ils ont l'impression qu'ils vont vivre un voyage magique et mystérieux. Mais en revanche, là où ils se sont pas du tout plantés, ce sont les chansons où il y a quand même I Am The Walrus qui est énorme, The Fool On The Hill qui est énorme. Il y a tout un univers peut-être du cirque aussi. Oui, qui est un c'est, petit peu là. C'est onirique, c'est... Bon, mais tout était totalement improvisé pendant le tournage du film. Oui. Alors, le film n'a fait l'objet que d'un EP, un double EP, mais les Américains, ils ont fait un album, c'est-à-dire qu'ils ont regroupé en seconde face tous les 45 tours sortis au cours de l'année. Donc on peut dire qu'il y a Magical Mystery Tour après Sgt. Pepper et avant le double blanc. Alors le double blanc, il faut y aller parce que sinon on le double blanc pas. Sort en novembre 68. Au contraire de l'album Sgt. Pepper, Paul a pensé à faire une pochette sans rien. Alors il nous parlera, Fabien Simone, notre chroniqueur, de cette pochette. Voilà, et la majorité des chansons a été composée en Inde, alors qu'ils étudiaient la méditation transcendantale avec le Maharishi Mahesh Yogi. Ouais. Donc ils avaient de longues journées et ils passaient beaucoup de temps à composer. Est-ce que c'est le grand album, comme certains le disent ? Alors moi souvent on me demande quel est votre album préféré des Beatles et je choisis le double blanc parce que dans le double blanc il y a tous les styles musicaux possibles et imaginables et les Beatles prouvent qu'ils sont capables de tout. D'accord, donc c'est la variété de cet album qui vous séduit. Est-ce que, alors on a dit aussi hein, que finalement c'était un album qui s'écoutait mieux après l'invention du CD parce qu'on pouvait faire shuffle et qu'on pouvait du coup choisir, programmer en fait les chansons qu'on voulait écouter, qu'il y en a certaines finalement dont on pourrait se passer, c'est pas votre avis j'imagine. Quand on aime les Beatles, on arrive à la fin d'une chanson, on entend déjà la chanson suivante, donc on peut pas faire ça. Ou alors c'est qu'on les aime pas. Qu'est-ce qui nous reste après ? Alors il y a Yellow Submarine, Abbey Road et Let It Be. Voilà, Yellow Submarine qui était la bande sonore du dessin animé qui était sorti en 1968, mais le disque sort en janvier 69. En janvier 69, ils sont en train de préparer un documentaire qui est un film, on les voit en train de répéter, et la création d'un nouveau disque qui s'appellera Let It Be, mais qui sortira qu'un an et demi après. C'est le faire-part audit du groupe Let It Be. Oui, en quelque sorte, puisque d'ailleurs la pochette, c'est 4 portraits sur un fond noir. On peut penser à un faire-part. Mais ils le savent pas. Comme lorsqu'ils enregistrent Abbey Road, ils ne savent pas que c'est leur dernier album. D'ailleurs, ils avaient même envisagé de faire quelque chose derrière. Mais la force de la pression du show business a fini par à mettre fin à la vie des quatre ensemble. Car c'est le show business qui sépare les Beatles. Oui, c'est ça que vous expliquez. C'est que c'est pas tant les femmes, comme on l'a beaucoup dit. C'est plutôt. Alors, il y a eu la mort quand même d'Epstein. Bien sûr. Pendant d'ailleurs le Magical Mystery Tour. Non, non. En 67, en tout cas. En été 68. 67, pardon. Été 67. Ah, oui, quand même. Été 67. Et en fait, c'est plutôt la gestion après des droits qui va faire que le groupe implose. C'est très important ce que vous dites là. Effectivement, Brian Epstein, avant d'être le manager des Beatles, n'était pas un manager de métier et il a signé beaucoup de contrats qui n'étaient pas les meilleurs pour les Beatles. Et lorsque il est mort, eh bien toutes ces incohérences sont ressorties. Et il a fallu beaucoup beaucoup de temps pour que les Beatles puissent trouver leur indépendance financière. Et la seule façon de le faire, il fallait que l'un des quatre attaque les trois autres. Mm-hmm. Alors on n'a pas le temps, mais simplement Paul McCartney voulait que ce soit son beau-frère et son beau-père qui étaient des avocats de très connus à New York pour les défendre. Les trois autres ont dit non parce que tu seras plus favorisé que nous Bien autres. Sûr. Et ils ont voulu donner tout ça à Alan Klein, qui était le manager des Rolling Stones notamment, et de Donovan, et qui a fait pas mal de choses pour eux, mais il a aussi pas mal détourné. Ça a pas duré longtemps, Alan Klein, 3-4 ans. Hein. Oui. Voilà. Et puis donc, le dernier album. Alors bon, donc il y a des différents derniers albums en fonction de la date d'enregistrement ou la date de sortie. Abbey Road, c'est quand même l'album qui sera le mieux vendu de tous, ce qui veut dire qu'ils n'ont absolument rien perdu de leur vitalité. Oui, et puis cette idée de monter ensemble un tout un tas de brides de chansons pour en faire une sorte de longue mélodie est tout de même du génie pur. Voilà, mais en tout cas il faudrait écouter les albums Jacques Volcouve et puis aussi lire vos livres, votre Merci. Fabuleuse collection Beatles chez Jacob Duvernay, c'est pas le bon titre mais on peut le retrouver facilement, et puis Révolution, les Beatles chez Fayard, tout de suite la chronique. La Compagnie des Heures, Mathieu Garrigou-Lagrange. Je vous ai proposé cette chronique par Fabien Simode du magazine L'Œil. Bonjour Fabien. Bonjour Mathieu. Vous nous parlez musique et graphisme donc aujourd'hui. Oui, mais avant je vais vous demander quel est votre album préféré des Beatles. Eh bien justement, j'hésitais entre Rubber Soul et Revolver, mais du coup maintenant je sais que c'est presque le même. Donc il y a une cohérence là-dedans. Et ben, personnellement j'ai un faible pour The White Album, pas pour les 30 chansons qui le composent, mais pour sa pochette. Une couverture blanche, sans photo ni couleur, où l'on devine à peine le nom du groupe, The Beatles. Cette pochette est signée par un artiste, Richard Hamilton, qui fut en 1956 l'un des fondateurs du pop art en Angleterre. Or, lorsque The White Album sort en 68, la création la plus à l'avant-garde n'est plus au pop, mais à l'art minimaliste et conceptuel. Voilà pourquoi Hamilton propose au Fab Four de rompre avec l'imagerie colorée du pop, en choisissant un monochrome blanc. Ce monochrome renvoie à l'histoire de l'abstraction et notamment à Malevich. Vous remarquerez d'ailleurs que le premier titre de l'album s'intitule « Back in the USSR ». Il peut être interprété, ce monochrome, doublement. D'abord, comme un hommage aux 4 minutes 33 de silence de John Cage, le compositeur et plasticien de Fluxus, qui est à cette époque le mentor de Yoko Ono, grand amour de Lennon et 5e Beatles. Ensuite, comme une réponse à l'album précédent, sorti en 67, intitulé Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Ce 8e album studio montrait, lui, sur la pochette, les 4 garçons dans le vent, habillés façon Pierre et Gilles, au milieu de Mae West, Edgar Poe, Fred Astaire, Bob Dylan, Albert Einstein, Karl Marx, etc. Une couverture à l'esthétique psychédélique réalisée par l'autre fondateur du pop art britannique, Peter Blake, en collaboration avec sa femme Jane Ewers. Cette pochette possédait tous les ingrédients du pop, les couleurs, la technique du collage et bien sûr la référence aux icônes comme Marilyn Monroe. Mais alors les Beatles ne sont quand même pas les premiers musiciens à faire appel à des artistes visuels. C'est vrai, la première pochette illustrée apparaît en 1940 et très vite les labels comprennent le potentiel marketing de ce nouveau support visuel. En 49, la Columbia Records fait ainsi appel à un jeune illustrateur, encore inconnu, pour illustrer le disque du compositeur mexicain Carlos Chavez, Andy Warhol. En 49, Warhol signe donc l'acte de naissance des collaborations entre les musiciens, les maisons de disques et les plasticiens. Dans les années 50, Dali et Albers vont réaliser des pochettes de 33 tours. Plus tard, il y aura John Baldessari, Christian Marclay ou encore plus récemment Georges Kondo. Même les photographes ont été sollicités. Robert Mapplethorpe, par exemple, est l'auteur des pochettes des deux albums les plus célèbres de Patti Smith, Horses en 75 et Wave en 79. Des familles esthétiques vont ainsi se constituer au fil du temps entre les musiciens et les plasticiens, entre par exemple la musique punk et la peinture néo-expressionnisme de Martin Kippenberger ou Albert Ollen. Et oui, car l'arrivée du compact disque en 1982 n'interrompt pas ces collaborations. Au contraire, certains musiciens vont même se rapprocher de plus en plus des artistes pour affirmer ou casser leur image. C'est le cas du groupe Metallica qui commande en 96 et en 97 2 pochettes d'albums à André Serrano, lequel va photographier son sang et son sperme. C'est encore le cas de Lady Gaga qui choisit en 2013 Jeff Koons pour la représenter en Vénus Botticelli Italienne sur son troisième album, le bien nommé Art Pop. Et l'histoire continue. En novembre dernier, le chanteur Philippe Catherine a sorti son nouvel album intitulé Confession sous une couverture de l'artiste français Théo Mercier. Celui-ci y affuble le chanteur d'un pénis à la place du nez. Une image aussi décalée et absurde que l'univers de l'auteur des chansons Luxor J'adore et Manger la banane. Tiens, justement Mathieu, la banane, ça ne vous appelle rien ? Merci Andy Warhol, dont on va bientôt parler dans la compagnie. Et oui, Warhol qui dessine une banane pour l'album des Velvet Underground en 67, la même année que Sgt. Pepper des Beatles, CQFD. Eh bien, merci beaucoup Fabien Simone, et puis je ne saurais trop conseiller votre magazine L'Œil, dont le numéro de février a pour titre « L'art n'a pas de sexe ». Eh oui. La compagnie des œuvres, c'est Didier Pinot, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Pierre Cataneo et Pascal Baudin.